banam pungwe, pungwe, ma be ma kom. Banam pungwe, pungwe, ma be ma kom. Yeah, yeah, ima wa yandolo. Au! Democracy avance, oh, oh, democracy ma chère, oh, la democracy. We don't say nothing. All man and dembre. Ma compris for marché central. For marché Mukoyo. So that the people and them side by side. For sake of impôt libératoire. Impôt supervision. Impôt sur mon homme ici. On a dans signé. Toi d'impôt tu l'impôt. Yes. Begin with don't go to school. When you get baccalauréat, ba licence, ba doctorat. Batasiman, ma basique, sans formation, sans permis. Yes, combo. Dans tous les carrefours, dans les dailles. On s'est cassé dans nos feux rouges, au feu vert, dans les passes. Dans one away, tu n'as pas son pas. Combo, si c'est Waka aujourd'hui, faut compter. Après examination du laboratoire, docteur, docteur, misé, dans Waka, la anti-rouille. Heureusement que le colorant ne tue plus l'homme noir. Yes. Dépendance. Piquet d'Ida est pour hôpital à Kentini. Voici qu'un extrait de coupure de courant est tempestif. Yes, Bombo. On a dans le chef. Roadway with Waka. Il get BB Hall. Il passe Ravin. 7 piétons et ses gousses. Ouais, Bombo. Là où on a ouéti, non? Bon, tu n'as pas perdu l'espoir. Voici qu'un sépique à Fika Fangola. Donc rappelez un man for all. Ici, récréation, donc finish. Ma ministre Mo, ma secrétaire d'État, directeur de société, on est dans ma flop. Moi, je veux dire quoi d'eau. Oui, tu sais, dis comme comment interminable. Yes. Qu'est-ce que ça m'en fait dans la cassette bouchée? Je sais que vous allez me chercher les pouces de la tête. Bon, vous avez progressé. Je suis la femme du peuple, la voix du peuple, le maréchal, le plus grand de ce pays. Bombo, tu